abyssal ou la douve et la mer. Quel feu me retiendra comme la douve unie. L'eau dormante m'attire à la faveur d'une ombre où respire tout bas la chaleur et le nombre d'un soleil fécondant une flore infinie. Ah, que renaisse en moi le souvenir vivant jusqu'en l'océan plein de pureté profonde de ce jaillissement de source par le monde quand ne l'agite pas encore le moindre vent. Tendre apparence au fond d'une mer abyssale que le vent du matin saura faire frémir du plus léger des jeux du vivre et du mourir qui parfume tes nuits de veuve végétale. Révèle-moi l'éclat de cette sombre ardeur qui ravage les flancs de ta nocturne gloire, où l'homme et les oiseaux ensemble viennent boire quelque chose des feux lointains de ta splendeur. Mère, mère des mers et des océans troubles, dont s'afflige l'éclat de ton mouvant secret, quelle force inhumaine en toi me retiendrait de connaître et chérir toujours mes regards doubles. Te revoilà présente, où s'en revient dormir comme un soleil sans fond la force des marées. Que s'apaisent en moi les soifs démesurées qui suscite toujours la mort de mon désir. À l'affût d'un trésor, que même ne remue nul souffle passager du vent dans la futaie, ô ma douve, amoureuse encore d'une baie qui glisse et tombe au fond de ta volupté nue. Non sans que dans ma nuit, un éclair déchirant l'épaisseur moite et pénétrante de ma douve, d'une voix sans orgueil ni phare, je me retrouve nu, comme l'œil lucide et diaphane d'un mourant.